chouette, un copain smartphone. Toi aussi, t'as remplacé? Ouais, il me trouvait trop lent. Emoji escargot. Lol. Mais on va rester longtemps au fond de ce tiroir? Ouais, je sais pas, moi ça fait des années. Je suis vieux, tu sais, j'ai même pas la 3G. Emoji grand-père, essaye de sonner, ça les fera peut-être venir. Ne gardez pas les mobiles et smartphones que vous n'utilisez plus. Faites un geste solidaire et environnemental en les donnant sur jedonnemontéléphone.fr. Service opéré par Écosystème, entreprise à but non lucratif. Écosystème, recycler, c'est protéger. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. C'était les années, la fin des années 80, et après les homosexuels, la société disait que si le sida était là, c'était à cause des femmes prostituées. Donc nous avions à l'époque une femme qui travaillait rue Saint-Denis qui s'appelle Lydia Bragiotti. France Culture, 2004. Qui connaissait beaucoup de personnes à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils nous ont dit, est-ce que vous voulez nous aider, participer avec nous voulez-vous faire entendre, mais peut-être que ça serait bien si vous acceptiez de vous faire dépister anonymement. Donc sur 150 femmes qui ont accepté de se faire dépister, 2 étaient concernées par le problème. De là, les personnes de la rue Saint-Denis s'étaient beaucoup mobilisées et on s'est dit, il y a vraiment un élan, là, il y a quelque chose, il faut peut-être se servir de ça pour se faire entendre et voir quels besoins qu'elles ont. Faire de la santé autrement. Une série documentaire de Claire Richard, réalisée par Assia Ralid. Épisode 1. La santé communautaire, d'une pandémie à l'autre. La rue Blondel, alors là quand même, on va trouver des filles là-dedans. Ah voilà, il y a quand même 2 parapluies. 3. On peut passer devant, oui. Bon, je préfère pas trop parler devant parce que je trouve que c'est pas très respectueux. Si jamais il y avait une femme plus âgée qui aurait été susceptible de connaître... Oui, mais ça, c'est les vieilles, ça s'est passé en 1990. Ah bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que les petites nouvelles, elles connaissent rien à l'histoire. Hein. Oh, c'est des communautés, c'est des groupes qui ont chacune leur façon de parler, leur rapport à la prostitution, donc... Il n'y a pas d'image. Il n'y a que le son. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas d'image. Non. Pardon. Bonne journée. C'était plein de filles. Hein. Il y avait une masse de filles, pas possible. En France, la santé est d'abord une affaire de médecins et d'experts. La crise sanitaire du Covid l'a rappelé, ce sont eux qu'on écoute quand il s'agit de santé publique et de santé tout court. Il existe pourtant d'autres façons de penser la santé. En partant des expériences et des besoins des personnes concernées, en considérant la santé comme un fait politique et pas seulement le bon état d'un corps. On les appelle santé communautaire, santé participative, parfois aussi médecine sociale ou encore empowerment des patients. Elle dessine une constellation de pratiques qui déplace les lignes entre patients et médecins et invente d'autres façons de pratiquer le soin. En France, la santé communautaire naît vraiment dans les années sida. Le VIH touche principalement des communautés déjà discriminées, homosexuelles, prostituées, migrants. Face à l'absence de traitement ou de prise en charge adaptée, elles n'ont souvent pas d'autre choix que de s'organiser. Comme à Paris, les femmes de la rue Saint-Denis. À la fin des années 80, ce haut lieu de prostitution parisienne est en pleine transformation. Les femmes sont peu à peu chassées des studios qu'elles occupaient traditionnellement et sont en première ligne face au VIH, dont on sait très peu de choses. Lydia Bragiotti, je l'avais rencontrée en 1987. Elle avait des problèmes de drogue à cette époque. Et moi, je travaillais dans un centre de soins pour toxicomanes. Anne Coppel, sociologue. Et donc, nous avons commencé à parler. Elle était séropositive, je l'étais aussi. Et nous avions toutes les deux été à AIDS, dans le groupe des femmes. Et dans ce groupe des femmes, ni elle ni moi n'avions trouvé les réponses à nos questions. Qu'est-ce que ça voulait dire vivre avec la séropositivité? Est-ce qu'on était condamné? Parce qu'on ne savait rien là, à l'époque. Hein. Et on avait besoin de parler entre nous. C'est ce qu'on a fait entre Lydia et moi, d'ailleurs. Je dirais que toute la démarche de Ed, c'est une démarche communautaire, malgré tout. Et Ed nous a beaucoup inspirés. Hein. Enfin, le bus des femmes, ni la réduction des risques liés à l'usage de drogue, dans laquelle je me suis beaucoup investie, n'aurait existé sans les associations de lutte contre le sida. Avec l'idée que les gens qui étaient directement concernés, les malades, avaient une parole qui était essentielle à l'hôpital, comme dans la famille, comme dans la société. Lydia Bradiotti, militante et fondatrice du Bus des Femmes. France Culture, 1994. Il y a 3 ans, on était en pleine époque où on réalisait le problème de la contamination et de la transmission du virus du sida et que ça allait devenir un problème important. Donc c'est une des choses qui m'a motivée. Je pensais qu'il fallait préparer les choses. Parce que bon, les prostituées, je pense, ont toujours fait attention. Elles ont une tradition de lutte contre les MST. Elles ont une tradition de santé publique. Donc je me suis dit, ça y est, il y a un problème. La société a un grave problème, un problème qui touche le sexe, qui touche le sang, qui touche la vie. Ça va retomber sur les filles. Alors que les filles de la rue étaient la population pour laquelle il n'y avait aucune information spécifique, aucun travail d'approche de fait. Et en fin de compte, c'était la population la plus exposée et qui se protégeait le mieux. La particularité de Lydia, c'est qu'elle a traversé beaucoup de milieux différents. À 15 ans, elle a été hippie, elle a été usagère de drogue, elle a été voyou, comme elle le raconte elle-même dans le livre d'ailleurs. Pendant un temps, elle vivait de rapines, de vols. Et elle a commencé à rentrer en relation avec les filles de la rue Saint-Denis. Elle était encore mineure. Il y a des femmes de la rue Saint-Denis qui l'ont aidée, qui l'ont hébergée. Et elle a créé comme ça des liens avec ces femmes. Pour moi, personnellement, pas de préservatif, pas de rapport. Donc, diminution du taux de rentabilité de cette profession. Et encore. J'ai la chance de travailler avec pas mal de clients habitués qui, heureusement, eux, acceptent et même certains demandent obligatoirement le chapeau. Dans ce cas, je me trouve un peu privilégiée par rapport à certaines de mes collègues de travail. Ce qui me dépasse, c'est de constater avec mes yeux et mes oreilles qu'énormément de femmes prostituées acceptent les rapports sans ce fameux préservatif. Mesdames qui acceptaient les rapports sans protection, vous courez à une mort qui, je pense, n'en vaut vraiment pas la peine. Laetitia. D'où ça lui vient, à Lydia Bradiotti, cette idée de faire parler les femmes prostituées donc de la rue Saint-Denis de leurs besoins en santé, de leurs besoins en général? En fait, Lydia, les paroles de Lydia, c'était que les femmes étaient la lie de la société, particulièrement méprisée, maltraitée. Elle trouvait ça d'autant plus injuste que ces femmes, elle les avait vues se responsabiliser, être le pivot de leur famille. Donc, elle a voulu les remercier de la solidarité que ces femmes avaient montrée avec la jeune fille qu'elle était et leur donner la parole. Voilà. Parce que ces femmes s'étaient spontanément mobilisées. Elles avaient utilisé le préservatif. Dans la rue Saint-Denis, c'était payant, les préservatifs. Donc c'est ce qu'elle disait. D'ailleurs, nous, on paye pour tout. On paye pour les médicaments, on paye pour le préservatif. Elles achetaient des préservatifs dans la rue pour se protéger nous-mêmes, protéger notre famille et protéger nos clients. Donc ça repose sur nous. La prévention repose sur nous. Et on est toujours considérés comme des mineurs incapables, des femmes sans tête pour lesquelles il faut décider à leur place. Et donc, elle était folle de rage, en fait. Il n'y a pas qu'en France que les prostituées sont exposées au VIH dans l'indifférence ou le mépris. À la même époque, Giovanna Rincon, militante pour les droits des personnes trans et directrice de l'association Accept ST, en fait l'expérience en Italie. Moi, je suis née à Bogota, en Colombie. Et en 1993, j'ai décidé de quitter la Colombie pour aller en Italie. Et quand j'ai quitté, je savais que j'allais faire le travail du sexe dans ce pays-là. Ça faisait à peine 3 ans que j'avais découvert d'être séropositive. Et donc, voilà, je me suis retrouvé en 93 à Rome, en Italie, dans un moment où il n'y avait rien pour traiter le VIH. Et c'est vrai qu'à la communauté trans, travailleuse du sexe, migrante, à Rome, en ce moment-là, l'épidémie a frappé de façon disproportionnée. Et petit à petit, bah, en étant confronté à un système de santé assez dur, pour ne pas dire raciste, xénophobe en Italie, ça m'a donné une sensibilité en termes de conscience communautaire, parce qu'il y avait une communauté qui était en train de mourir et qui avait peur d'aller vers le système de santé. Et donc c'est vrai que je me suis retrouvé à développer mes propres stratégies à niveau individuel, mais aussi à niveau collectif, pour préserver ma vie, ma santé, mon intégrité en général. Comme Giovanna Rincon face au VIH, des personnes sans formation médicale commencent à se mêler de santé. Elles échangent des expériences, des contacts, des infos qui peuvent sauver la vie. Elles réalisent qu'elles en savent beaucoup sur les effets du virus ou les modes de prévention, et parfois plus que les médecins. À Paris, Lydia Bragiotti propose aux prostituées de la rue Saint-Denis d'écrire des lettres dans un cahier, pour décrire ce qu'elles font en matière de prévention et dire de quoi elles ont besoin. Elle s'engage à les remettre en main propre au ministère de la Santé. Et elle demande à Anne Coppel d'amener son point de vue de sociologue sur l'action en cours. En fait, Lydia, elle a recruté 6 filles qui ont été chargées d'obtenir les lettres par les femmes. Et ces femmes relais ont été choisies très soigneusement par Lydia. Elle voulait que ce soit des femmes qui soient respectées dans leur coin. Le bout de trottoir ou le carrefour sur lequel cette fille-là est reconnue, elle est respectée. On sait qu'elle respecte les codes. Et en même temps, Lydia tenait à ce qu'elle soit, et ça c'était pas évident du tout, à ce qu'elle soit tolérante. Parce que l'idée c'était de recueillir la parole de toutes les filles. Lettre des Africaines. La plupart d'entre nous sommes des femmes célibataires et sans emploi. Presque toutes les femmes de notre groupe ont au moins 2 enfants sans père. Nous et nos enfants avons besoin d'argent pour vivre. Nos enfants doivent être nourris, logés, habillés et éduqués. Sans notre travail dans la rue, qui va payer les factures pour nous? Vous êtes conscient du taux de chômage en France? Si nous ne faisons pas ce travail, la situation peut devenir vraiment dure. À part ça, nous payons les taxes du gouvernement. Surtout, nous ne pouvons pas vivre comme des criminels. Donc on a fait circuler des cahiers de confidences sur lesquels les femmes notaient tous les problèmes qu'elles pouvaient avoir. Ça pouvait aller à la garde de leurs enfants, les problèmes de logement, parce que oui, on paye des impôts, mais comment on se loge ? France Culture, 1994. En fin de compte, tous les problèmes qu'une femme peut avoir dans la société. Toutes les questions des cahiers ont été reprises, toutes, et un questionnaire a été rédigé, où on traitait tous les problèmes qui avaient été rencontrés. Donc les femmes ont accepté de répondre à toutes les questions. Et la dernière question du questionnaire qu'on avait voulu, faire ça un peu, humoristiquement. Et cette question disait, est-ce que vous aimeriez vous rencontrer dans une salle, parce qu'il y avait déjà eu des réunions dans des salles, autour d'une bonne table, ou un bus? Mais on avait mis un bus comme si qu'on aurait pu mettre un avion, un train, un yacht, n'importe. Et voilà, un bus. C'est le bus qui a été le plus coché. C'est ça l'histoire du bus des femmes, le départ. C'est une histoire tout à fait exceptionnelle. Hein. C'est un peu comme à la Révolution française, les cahiers de doléances. C'est un moment très particulier où les femmes ont fait cet effort d'écrire. C'est un effort énorme. D'autant plus énorme que dans la rue, on n'a pas le temps d'écrire. Les femmes sont quand même pressées, elles sont dans un rôle social. Il faut séduire le client, il faut lui plaire. On ne sortait pas de la rue Saint-Denis, les femmes n'avaient pas de temps disponible. elle pouvait éventuellement aller prendre un petit café ou un petit blanc ou enfin au bistrot histoire de faire une pause, mais s'installer à une table pour réfléchir et savoir ce qu'on a à dire, c'est quand même un effort énorme. Et c'était précédé par des discussions assez passionnées dans la rue, y compris des disputes. Elles n'étaient pas toutes d'accord, parce que les premières lettres ont circulé, les filles les lisaient, elles disaient « Ah ben non, Corinne, elle dit n'importe quoi, parce que ceci, parce que cela. » Ou bien c'est bien elle qui dit ça, parce que évidemment... Elle, en fait, le préservatif, elle ne le met pas. Bon, la rue n'était pas un long fleuve tranquille. Je travaille sur les Champs-Élysées et je fais de la marche. Il y a beaucoup de prostituées, surtout des étrangères qui n'utilisent pas le préservatif. Depuis que j'ai eu un gonocoque, j'essaye de le mettre, mais on a affaire à des clients étrangers du Golfe et les vieux n'en veulent pas. Il faudrait informer les gens avec des clips dans les avions et les aéroports. Distribuer des condoms dans des pochettes comme au Japon dans les avions. Ici, on croit que si la clientèle est riche, on est protégé. C'est faux. On doit choisir son médecin et avoir des contrôles systématiques pour celles qui ne peuvent pas toujours utiliser de préservatif. Il faudrait mettre plus de distributeurs de préservatifs avec une publicité du genre « N'oubliez pas que le sida existe ». Moi, personnellement, quand je suis allé la première fois à un hôpital qui avait été référencé comme étant le lieu pour traiter avec les 16 antirétroviraux les patients, le médecin m'a dit carrément « Non, ici, vous n'aurez pas accès. D'abord, on va s'en occuper des Italiens. Vous, vous n'avez pas de sécurité sociale, vous êtes une personne migrante. En plus, vous êtes prostituée. Et c'est à cause des personnes comme vous qu'on est face à cette épidémie. » C'est vrai que j'ai dû immédiatement faire appel au comité pour les droits des personnes prostituées à Rome. Et en parlant avec la présidente de ce comité, elle m'a expliqué pour la première fois ce qui signifiait les droits des patients, les responsabilités du système de santé vis-à-vis de cette épidémie. Et elle m'a demandé de retourner au même hôpital et de demander que si je ne pouvais pas accéder, de me donner par écrit un refus. Et c'est vrai que l'hôpital n'a pas eu le choix que d'accepter, et c'est avec cette expérience-là que j'ai commencé à bénéficier des traitements antirétroviraux à Rome, en Italie. Je pense que c'est bien de pouvoir enfin s'exprimer, car il y a beaucoup de choses à faire pour les filles qui bossent aux portes de Paris. On n'a pas du tout d'hygiène et rien pour se laver. Parfois, je vais me laver les dents dans un bar, mais le patron me dit que les WC ne sont pas une salle de bain. Après avoir fait 10 pipes dans la journée, je pue de la bouche. Surtout que les mecs veulent pas souvent mettre les capotes. Alors avec la mycose buccale que j'ai, ils vont avoir le gland comme une tomate. C'est pour ça qu'il faudra un bus avec un gynéco et un docteur qui passe, pour donner des soins gratuits et des capotes et des seringues gratuites. C'est bientôt l'heure où mon dealer va passer et il me manque 600 francs. Je lui dois de l'argent et si je ne le rembourse pas, il ne me donnera pas ma cam. Encore une passe pour l'hôtel et encore une dernière pour le taxi. Une fois dans ma chambre, je prends ma seringue d'hier, mon coton et mon citron de la veille pour me faire mon shoot. Car entre les capotes, la cam, les médocs pour une mycose et les seringues, il faut bien choisir. Et dans tout ça, je ne sais pas si je suis séropositif, car je n'ai pas fait le test. Alors si on nous reconnaissait comme une profession libérale, la situation serait moins précaire. On aurait la sécu, des impôts comme tout le monde et plus de PV. Marianne. Sur les besoins de santé dans les lettres, c'est massif. Bon, il faut dire que effectivement la page de garde des cahiers... Elle est précise là-dessus, c'est-à-dire qu'elle parle... Attendez, je vais vous la retrouver. Cette voilà, première page, les services publics ont décidé de s'associer à vous, premièrement pour lutter contre le sida, et deuxièmement pour le droit à la santé de tous et de toutes. Ça, c'est la page de garde. Donc on appelle les filles à parler du sida et des problèmes de santé. Et en ajoutant d'ailleurs qu'elles pouvaient élargir le sujet à d'autres thématiques. La première chose qui frappe là, c'est les services publics ont décidé de s'associer à vous. Bon, des services publics qui s'associent à des putes, non seulement c'est pas habituel, mais c'est même condamné par la loi. Et d'ailleurs, on a failli avoir un procès. J'ai fait partie, parce que je distribuais des préservatifs, ben, c'était un soutien à la prostitution à l'époque, hein. Ce qui s'appelle proxénétisme. Donc il faut voir le contexte. Et pour les filles de la rue, s'associer au service public, ça, les services publics, pour elles, c'était l'assistante sociale qui venait piquer les enfants, ou alors les flics qui venaient pour accuser le mari de proxénétisme. Donc les services publics, elles se tenaient à distance le plus possible. Elles se tenaient à distance des services de santé, parce qu'elles avaient peur du regard des soignants et de leur incompétence. Ça, elles se racontaient plein d'histoires sur le fait que les médecins, les infirmières ne connaissaient pas leur pathologie spécifique. L'information, oui. Le bourrage de crâne, non. Pour moi, le préservatif, c'est aussi le respect pour mon mari et le client. Vivre libre. Prostituée, 27 ans, un petit garçon de 8 ans... Mon fils a besoin, comme n'importe quel petit, d'avoir un père avec qui chahuter, à câliner, à aimer, à qui raconter ses petits malheurs. Ce père, je lui ai donné. On est heureux qu'on nous laisse tranquille. Je ne pense pas qu'on dérange qui que ce soit. Mon mari travaille, je travaille. On ne demande rien de plus. Nous sommes un couple normal. Corinne. Il y avait la peur, la honte, les stigmates qui étaient très intériorisés. Personne voulait, dans la communauté trans, parler du VIH. Et toutes celles qui étaient malades, elles préféraient dire qu'ils savaient autre chose, le cancer, ou de rien dire. Beaucoup mouraient dans les hôtels. Quand on les accompagnait aux urgences, c'était parce qu'ils étaient vraiment en fin de vie. Et la communauté, elle avait beaucoup de peur d'aller vers les services, vers les institutions. Et donc, moi, j'ai commencé tout à petit à utiliser un peu la troisième personne, c'est-à-dire, je connais quelqu'un qui a été dans cet hôpital, qui a fait cette démarche. Si, par hasard, toi, t'entends qu'il y a une copine qui est malade, tu peux lui donner ces informations. C'est comme ça que les personnes commencent à prendre confiance en elle et décide d'aller vers le service de l'hôpital San Galligano à Rome en Italie. Après, c'est le moment de l'arrivée du téléphone portable et je commence à donner aussi mon numéro et donc je commence à recevoir beaucoup d'appels. À savoir que j'ai commencé effectivement à agir à ce moment-là auprès de la communauté trans colombienne, mais après j'ai commencé à recevoir des appels des personnes trans brésiliennes et d'autres pays, et c'est comme ça qu'un petit à petit il y a la naissance en quelque sorte d'une mobilisation. Il y a une espèce de solidarité dans la communauté, par exemple pour aider quand il y avait une personne trans qui mourait, de faire des collectes pour pouvoir rapatrier le corps. Et puis, bah, quand il y avait une autre copine qui tombait gravement malade, qui était hospitalisée, on pouvait maintenant l'accompagner. Et voilà que, fin des années 80, un gros problème sur l'immobilier rue Saint-Denis. France Culture, 2004. Des femmes qui travaillaient en studio, les studios ferment et tout. Donc, elles partent travailler plus loin. Elles partent travailler sur Vincennes. Donc, on s'est dit, on va aller à Vincennes aussi, retrouver les femmes. Donc avec le bus, nous y allions. Des personnes nous disent, mais pourquoi vous n'allez pas voir les... Il y a des femmes aussi qui sont usagères de produits, qui ont besoin de vous. Vers la chapelle, il y avait des... On appelait un peu la cour des miracles, parce qu'il y avait des femmes qui étaient vraiment pas bien. Quand on travaille au bus des femmes, il faut être beaucoup à l'écoute, respecter beaucoup les silences, analyser les silences, c'est très important. Et observer aussi. Observer si une femme, elle est bien, si elle est assez vêtue, il fait froid, si elle est bien chaussée, il y a plein de choses qui se passent. Cela fait un mois que je me prostitue. Avant, je volais dans les magasins. Je suis toxicomane depuis environ 4 ans. J'ai 2 enfants, une en nourrice et l'autre qui vit chez ma mère. Celle qui est en nourrice a 5 ans et l'autre 5 mois. Je suis séropositive. Je le sais depuis un an environ. Depuis que je sais que je suis séro, j'ai pas vraiment changé, mais sur le coup, quand je l'ai su, j'avais peur. Maintenant, je vois que je peux vivre très bien. Ma santé est bonne, je peux vivre avec ça. Mais au départ, j'avais très peur. Je pensais tout de suite que j'allais mourir. Ma petite fille de 5 mois est elle aussi séropositive. Les médecins me disaient d'avorter, mais moi, j'ai préféré le garder. Alors ils m'ont expliqué les risques qu'il y avait pour moi et pour l'enfant. Et ça me faisait mal pour lui, car il ne le méritait pas. Mais heureusement, pour le moment, elle va bien, à part qu'il lui donne des médicaments. Tous les 15 jours, je l'emmène à l'hôpital Robert Debray. Depuis que je suis séro, j'ai changé mon comportement, surtout pour l'usage des seringues. À chaque fois que je me fais un shoot, j'achète une seringue neuve et je la jette aussitôt après. Si je te dis à toi que je suis séro, c'est parce que j'ai confiance en toi et parce que tu as pris de la drogue. Tu as vécu la même chose que moi. Si c'était quelqu'un d'autre... Asima. Dani, animatrice, ancienne prostituée. Aux portes, c'est vrai que bon, les jeunes qui touchent à la toxicomanie, bon, c'est vrai qu'elles n'ont pas de... Elles ne savent pas où aller. Bien souvent, elles sont quand même, elles n'ont pas de relation avec leur famille, elles n'ont pas d'amis, à part la seule amie qu'elles peuvent avoir, c'est la drogue. Et c'est pour ça qu'elles sont très très malheureuses. Quand elles viennent au bus, bon, c'est un petit peu la famille. C'est quand même une bonne famille, parce que les professionnels sont très gentils avec elles, elles sont chaleureuses, elles comprennent leurs problèmes. Puisque les animatrices, ce sont ou des prostituées qui continuent à travailler, ou alors qui ont cessé leur activité. Et c'est vrai qu'on les comprend. Elles se sentent un petit peu protégées. Le bus des femmes, Lydia et Mounir étaient allées le chercher en Grande-Bretagne. C'était un beau bus à double étage, rouge, très visible, parce qu'il n'était plus question de se cacher. Il fallait oser s'affirmer. Ça, c'est la photo de l'inauguration, hein. Claude Évin, qui était le ministre de la Santé, est venu, mais les filles ne voulaient pas qu'il vienne à l'extérieur. On avait peur des journalistes. Et donc, ça, c'est Lydia Bradjotti, qui est donc juste à côté du ministre. Le ministre, il est entre nous deux, quand même. Ouais. Ça, c'est Mounir, qui était l'ami de Lydia et qui a recueilli la parole des femmes sur les boulevards extérieurs. Et là-bas, la situation était absolument catastrophique. Au moins une fille sur deux était contaminée par le sida. Et je me souviens qu'il y en avait une qui, pour faire sa pub auprès des clients, avait écrit sur un panneau « Moi, j'ai pas le sida !» Voilà. Elle était une exception dans le groupe, quoi. Et donc ces filles, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont mortes. En tous les cas, pendant la recherche-action, il y a déjà eu deux overdoses de femmes qui ont été exclues de l'hôpital Saint-Antoine, parce qu'à l'époque, dans les hôpitaux, on écrivait « Les toxicomanes ne sont pas acceptés dans les services d'urgence ». C'était écrit, il y avait une petite pancarte, et on renvoyait les patients et les patientes dans le système de soins spécialisés. Et dans le système de soins spécialisés, la seule chose qu'on faisait, c'était de les désintoxiquer. Alors, une fille qui avait une septicémie, elle avait tout le temps de crever entre-temps, hein. Et donc l'idée du bus des femmes, c'était d'avoir un dispositif qui répondait à ces conditions très très spécifiques, quoi, de précarité, d'être itinérant. Voilà. C'est déjà de faire un accueil. Et le double étage en question était justifié par le fait qu'en bas, il y avait un accueil informel et chaleureux, et avec café ou thé, et préservatifs et seringues. Et qu'à l'étage du dessus, il y avait les consultations. Alors, deux types de consultations, consultation médicale et consultation sociale. En travaillant ici, souvent les filles nous amènent à travailler à la limite de la légalité dans le travail médical que l'on fait. C'est vrai qu'on fait beaucoup de bricolage et que... France Culture, 1994. Bricolage. Mais du bricolage qui est efficace sur le terrain. Mais le bricolage, c'est pas la solution, c'est une solution temporaire, je pense. Et qu'il faut arriver à trouver d'autres solutions plus légales. L'accès aux soins pour ces femmes-là, la sécurité, une couverture sociale pour les femmes prostituées. Je suis sûre que le docteur, je te jure, non, je te jure. Oh, mais t'es docteur ou t'es pas docteur? T'es docteur ou t'es pas docteur? On va travailler, on verra après. Non, mais voilà autre chose. Non, mais, vous réalisez pas, madame, je suis habituée. Hein. Vous êtes pas habituée, mais moi je suis habituée, vous savez. Qui enregistre, c'est pas mal. Très bien, très bonne initiative. Grillez le docteur. Le début, c'était des femmes qui avaient choisi les médecins. Donc ce médecin qui a accepté de venir de façon assez militante, parce que d'une part, ils n'avaient pas le droit de soigner. il ne pouvait faire que de la prévention, ce qui n'était pas bien du tout. Hein. Il aurait fallu pouvoir prescrire des antibiotiques à la... Bon, donc les médecins qui sont venus étaient des médecins militants, en fait, hein, qui ont accepté de donner quelques horaires par semaine. Parce que après, ce qui se passait, c'est que les accueillantes, donc des femmes recrutées pour accueillir et accompagner, ben, elles accompagnaient les filles à l'hôpital ou à telle adresse, ou le médecin faisait un premier diagnostic et aidait à l'orientation des femmes en réseau. En réseau, ça veut dire qu'on ne se contente pas de dire tu vas à l'hôpital Rothschild ou à l'hôpital Saint-Antoine. Non, tu vas rencontrer tel médecin et puis j'écris une lettre au médecin. Qu'est-ce que ça a représenté cette expérience ? Est-ce que c'est un tournant dans les luttes des femmes prostituées ? Ah oui, ça a été un tournant majeur. Ça a été un tournant pour toutes les filles qui ont participé à l'action, mais je dirais au-delà. Parce que ce qui a circulé, enfin ça je l'ai vu, ça m'a frappée, c'est oui, on est des femmes comme les autres et on a les mêmes droits que les autres femmes. Et ça, ça a circulé d'une fille à l'autre, dans la rue Saint-Denis, bien au-delà de celles qui se sont investies personnellement dans le projet. Ce n'était pas du tout une façon spontanée de penser. Ça, merci Lydia, elle a compris que la santé exigeait la reconnaissance des droits. I know the end is near, and so I face the final curtain. Bye, my friend, I'll say it clear. My case, of which I'm certain, I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Christian Saout, président du Conseil pour l'engagement des usagers de la Haute Autorité de Santé, ancien président de l'association AIDE. Oui, on dit que les années 90 sont la période forte de la santé communautaire en France. Je dirais que c'est la période de reconnaissance, parce qu'au fond, il y avait des prémices auparavant. On avait déjà, depuis le début du siècle, les alcooliques anonymes. C'était au fond de l'autosupport, des gens qui étaient concernés par la dépendance à l'alcool et qui produisaient des actions de santé. Et puis après, un peu plus tard, dans les années 50-60, on a eu les parents d'enfants avec un handicap qui ont créé des établissements d'accueil. Donc, il y avait des gens déjà qui s'occupaient d'eux-mêmes en créant des actions de santé. Mais c'est dans les années 90, avec la lutte contre le sida, que tout ça explose de manière beaucoup plus importante et surtout sur la place publique, avec un discours de revendication des patients comme réformateurs sociaux, comme réformateurs du système de santé. Dans votre livre, vous parlez du mouvement social des patients. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement social, tout simplement, parce que les patients agissent comme des acteurs sociaux. Olivia Gross. Ils veulent transformer. Directrice de recherche. Agir pour le bien commun, comme une vraie communauté. Moi, je dis même que c'est une communauté épistémique, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes savoirs, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Quelle que soit la maladie qui les concerne, quel que soit le champ de la santé dans lequel ils interviennent. Les années SIDA ont démontré l'importance de l'implication des patients dans les actions de santé. Celle-ci est inscrite dans le droit en 2002, avec la loi sur les droits des patients, dite loi Kouchner. C'est le début de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire la création d'instances de représentation des patients dans le système de santé, pour porter leur voix sur les sujets qui les concernent. Yvanie Caillé est la présidente d'une des plus grosses associations de malades, Rénalou. J'ai une maladie rénale qui a été diagnostiquée quand j'avais 12 ans, de façon complètement fortuite. J'avais pas de symptômes, donc c'est des examens biologiques qui ont permis de montrer des anomalies. Et donc c'est une maladie qui m'a accompagnée pendant toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, mais qui était une espèce de menace un peu lointaine, parce que je n'en vivais pas de conséquences concrètes, en fait, au quotidien, même si j'avais des traitements, un suivi médical, jusqu'au moment où vraiment mes reins ont cessé de fonctionner et où là, ça a été la dialyse en urgence, donc vraiment un retour à la réalité brutale. Donc, d'un seul coup, je me suis retrouvée vraiment en quête de toutes les infos possibles. Et donc, de façon naturelle, je suis allée regarder sur Internet. C'était un peu les débuts d'Internet, mais bon, quand même, il y avait des choses. Et alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'en langue française, il n'y avait pratiquement rien. Et en revanche, j'ai trouvé des informations sur des sites américains qui déjà étaient centrés sur les patients, ce qui n'était pas le cas en France, voire réalisés par des patients directement. Et d'ailleurs, le site qui m'a été le plus utile, c'est le site d'un jeune Américain. C'était une sorte de blog, en fait, qui avait vécu vraiment quasiment la même histoire que moi, la même maladie, le même parcours. Son papa lui avait donné un rein et il a raconté son histoire de façon très pédagogique, toutes les étapes de son parcours, de sa maladie, ses ressentis, son expérience. Et tout ça était particulièrement rassurant. Et donc, quand à mon tour, j'ai été greffée, j'ai eu l'idée d'avoir la même démarche, c'est-à-dire de faire un témoignage en français cette fois-ci pour raconter mon histoire à destination de d'autres patients à qui ça pourrait être utile. Donc, Renalou a été mis en ligne en septembre 2002. Donc voilà, c'était initialement uniquement du témoignage, voilà, de la mise en commun d'expérience. Au début des années 2000, Giovanna Rincon s'installe en France. Elle est toujours séropositive et continue de jouer un rôle de passeuse d'informations dans la communauté trans et travailleuse du sexe. Dès le moment où j'ai appris ma séropositivité, très vite, j'ai commencé à m'informer sur les projets de recherche, sur la prise en charge, toutes les nouveautés vraiment à niveau clinique, etc. Et c'est vrai que par la force des choses, j'ai acquis des connaissances sur le sujet et peu à peu, j'ai commencé aussi à connaître les réseaux associatifs et toutes ces questions-là m'ont aidé surtout à vaincre la peur, la honte de la sérophobie intériorisée et je pense que ça a été le premier pas vers une possibilité de vaincre aussi le déni dans lequel je vivais aussi la séropositivité. Ça n'a pas été simple parce que c'était trop lourd de devoir imaginer de parler à visage découvert sur « je suis séropo, je suis trans, je suis migrante », etc. Et c'est qu'à partir de 2010 que je suis vraiment dans la possibilité d'assumer publiquement la parole « je suis séropositive ». Et c'est à partir de là où, pour moi, la notion d'action communautaire en santé prend du sens, parce que c'est pour la première fois où je sens que l'unique possibilité pour agir en santé communautaire, c'est avant tout de parler de sa propre personne, de dire ouvertement qu'est-ce qui va pas. Et donc, je pense que la santé communautaire, pour nous, en tant que personnes trans, c'est avant tout faire de ces stigmates un outil de révolte et de résistance face à un système totalement inégalitaire. Alors le blog, donc au tout début, c'était uniquement des témoignages. Il y avait le mien, il y avait celui de ma maman qui m'avait donné son rein, celui de mon compagnon. Il y avait aussi un formulaire de contact où on pouvait m'écrire. Et en fait, très vite, j'ai reçu beaucoup de sollicitations de patients, de proches de patients. Donc l'idée a très vite germé à la fois d'ajouter des pages d'information, d'ajouter un forum. Et je crois que le forum a vraiment eu un rôle crucial parce que c'est là où la communauté de Renalou s'est rassemblée pour la première fois. Ce forum, il a permis aux patients de s'exprimer, de raconter leur parcours, de dire ce qui n'allait pas, ce qui allait. C'était vraiment une source, finalement, d'informations très précieuses sur la prise en charge, en fait, des maladies rénales telles qu'elles se faisaient à l'époque en France. Et donc, il y avait vraiment une étape incontournable, c'était de se structurer en association de patients. René Lou est né la même année que la loi sur le droit des malades, qui consacrait la notion de représentation des usagers par l'intermédiaire d'associations agréées. Donc, enfin, c'était vraiment la voie logique et la seule possibilité pour pouvoir mener ce type d'action et passer aussi au plaidoyer dans la vraie vie, en fait. C'est en 2008 que vous constituez en association de patients ? Oui. Et la toute première action qu'on a menée a concerné la révision de la loi de bioéthique. On avait décidé de s'investir pour faire en sorte que cette révision soit favorable à la greffe, et en particulier à la greffe de donneurs vivants. Et il y avait quelque chose de très symbolique, très emblématique qu'on souhaitait faire évoluer, c'est qu'à l'époque, le don de rein du vivant ne pouvait se faire que dans la famille ou au conjoint. Et il était interdit en France de donner un rein à un ami. Donc, on s'est beaucoup investi sur ce sujet, on a fait beaucoup d'actions, on a rallié un certain nombre de médecins qui étaient, comme nous, convaincus de l'importance de ce sujet et qui nous ont accompagnés. Ça n'a pas été tout à fait simple, mais on a obtenu gain de cause. Donc, finalement, quand la loi a été votée en 2011, il est devenu possible de donner un rein à un ami, condition de justifier d'une relation étroite et stable depuis au moins 2 ans, c'est ça la condition. Donc voilà, c'était plutôt un vrai succès pour cette première grande action de plaidoyer de l'association. En 2010, quand on a créé l'association, c'est un moment où il y a aussi une révolte totale qui est celle d'être confronté à un système de santé qui désigne les personnes trans comme étant des vecteurs d'une épidémie et de les traiter juste comme étant un problème de santé publique et désigner comme étant juste des personnes prostituées. Et dans tous les plans de santé et les stratégies de lutte contre le VIH, jusqu'à 2010, la question trans n'est jamais abordée comme étant quelque chose entièrement humaine. Et c'est vrai que pour nous, ça a été hyper important de rappeler que la question de la qualité de vie, la qualité de soins pour les personnes trans était quelque chose de fondamental. Donc c'est la première chose qui nous motive à partir de 2010 à créer l'association pour dénoncer en quelque sorte cette absence de prise de considération sur les stratégies santé. Donc c'est à partir de ce moment-là que pour nous, AcceptST devient la première association qui va promouvoir les activités physiques adaptées pour les femmes trans séropositives, qui va promouvoir l'apprentissage de la langue, l'accès à l'emploi, trouver des solutions pour pérenniser les droits de cette population qui était largement frappée par le VIH. Et donc, on s'est dit, voilà le projet que nous voulons créer en termes de santé communautaire, mais nous voulons rester à la base une association militante. Moi, j'ai rencontré la santé communautaire à Aide. Quand je suis devenu militant de Aide à la fin des années 93, 80, et au début des années 94, je pense qu'on rencontre la santé communautaire en la pratiquant, en se disant qu'effectivement, les réponses, elles sont meilleures quand on est mobilisé ensemble et que c'est à partir de cette mobilisation qu'on construit bien les réponses. C'est parce qu'on est capable de faire un groupe de parole qu'on est capable de venir prendre les conclusions de ce groupe de parole, de les porter sur la place publique et de dire « c'est ça les attentes des personnes ». Qu'on démontre quelque chose et qu'on fait bouger les choses. Sinon, on n'en resterait que à un discours médical, que à un discours d'expertise scientifique qui dit une part de la vérité, mais pas toute. Donc il y a absolument besoin que ce qui se crée dans le monde associatif, ce qui se crée dans le partage d'une expérience entre personnes concernées par la même chose, vienne produire aussi de l'expertise, vienne produire de la donnée. Jusqu'à l'arrivée de AcceptST en 2010, il n'y avait pas de données sur les conséquences de l'épidémie du sida dans la population trans, ni de l'impact de la transphobie dans cette même population. Et entre 2010 et aujourd'hui, on a développé pas mal de projets de recherche sur les conséquences de l'épidémie du VIH dans la population trans. C'est un projet de recherche qui est mené par la ANRS. ANRS, Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales. C'est la première fois qu'une institution de santé met à disposition presque 500 000 euros pour faire une étude aussi importante. Et pour la première fois, effectivement, on aura des données scientifiques prouvantes sur comment est-ce qu'on peut améliorer et mieux lutter contre l'épidémie dans cette population. Après ces périodes de contre-proposition, de contre-pouvoir, de modèles alternatifs, le grand intérêt de la période qu'on est en train de vivre, et je dis que je daterais, mais en tout cas en France, de manière vraiment récente, hein, je dirais ces trois dernières années, c'est qu'on est à une période où les pratiques s'hybrident. Beaucoup de choses qui se faisaient dans l'entre-soi associatif, au sein de communautés, sont en train d'être importées dans les pratiques instituées. Et donc, parce qu'on convoque ces concepts et ces pratiques, eh bien, de manière très logique, on convoque des patients pour les conduire à côté des professionnels. La démocratie en santé, c'est un processus complexe dans lequel il y a une partie des choses qui sont réglées par la loi et une autre partie des choses qui sont réglées par des pratiques. La loi, c'est l'idée qu'il y a des associations qui ont été agréées spécialement pour ça et qui ont une place reconnue dans les instances de santé, dans différentes commissions, dans différents comités, dans différents organismes, à Santé publique France, dans les grandes agences sanitaires. Il y a des places qui sont réservées aux représentants d'usagers du système de santé. Il y a des commissions des usagers à l'hôpital qui sont chargées de veiller à la qualité des soins et à la sécurité des soins. Donc on a une partie de la démocratie en santé qui est une partie réglée par la loi et par les règlements. Puis il y a une autre partie qui découle des pratiques. Ce sont des pratiques qu'on appelle participatives, où même si ce n'est pas prévu par la loi, il est de bon augure de faire participer des usagers. Et même le règlement européen sur l'expertise en santé prévoit que les patients soient dans l'expertise en santé, parce que ça améliore l'expertise. Donc il y a cette idée-là que les pratiques participatives, elles sont bénéfiques à la qualité, à la sécurité du système de santé et à son efficience. Ça serait trop de dire qu'aujourd'hui, les médecins nous considèrent à partie égale, ça serait vraiment... trop. Néanmoins, les projets que nous menons en collaboration aujourd'hui avec différents services hospitaliers ou médico-sociaux nous permettent de dire que la collaboration elle est co-construite. Par exemple, l'association aujourd'hui a réussi à mettre en place des permanences directement dans nos locaux. Ce sont des médecins infectiologues qui viennent directement ici. Et pour la première fois, ces médecins n'ont pas la blouse blanche. C'était une de nos premières exigences, en fait. C'est-à-dire, OK, on accepte, on va collaborer, parce que cette permanence va permettre de réduire à zéro les délais. Vous allez être sur place. Nous allons proposer le test rapide du VIH, les hépatites, la syphilis. Les personnes dépistées positives, vous allez pouvoir traiter directement sur place. Les personnes séronègres, vous pouvez lui prescrire la PrEP. Et donc, on réduit totalement à zéro les délais. Mais à condition que vous inscrivez dans une action communautaire, c'est-à-dire, vous venez pas là avec la hiérarchie de l'hôpital, vous inscrivez juste comme une action communautaire où nous sommes ceux qui vous proposons le dispositif. Et donc, inverser le rôle du pouvoir dans le système de santé, ce n'est pas une question de lutte politique, c'est une question d'efficacité aussi pour mieux prévenir la santé des communautés. Françaises, Français, mes chers compatriotes, le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les souvenirs sont très clairs, c'est-à-dire que le président a parlé le soir. On était tous au local, réunis à ce moment-là, à regarder l'intervention du président qui venait de décréter l'état d'urgence, le confinement et toute la question, les attestations dérogatoires et toute la procédure liée à l'épidémie. C'était un choc. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire. On a commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va suivre ces recommandations-là? Et les premières choses qui nous sont venues à l'esprit, c'est d'entendre les personnes qui étaient présentes, qui nous disaient, moi, je dois continuer à travailler. Toutes les personnes qui étaient réunies là, c'était des travailleurs du sexe au Bois de Boulogne, qui nous disaient à ce moment-là, comment je vais faire? Lendemain, réunion des crises à l'association. Et très vite, dans la même journée, on a reçu des mails de la part de l'agent régional santé qui nous disait qu'il fallait arrêter immédiatement l'accueil et toutes les actions du dépistage des infections sexuellement transmissibles par test rapide dans l'association. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Nous sommes en guerre. Concernant la pandémie, ça, le constat, il est malheureusement unanime, c'est que ça a totalement dysfonctionné. En fait, alors, on n'a pas été soutenus par les journalistes qui ont invité que ceux qu'ils estimaient experts, et en l'occurrence que les médecins, eux aussi, il leur est pas passé par la tête de convoquer les grosses associations de malades qui avaient beaucoup de choses à dire. Parce que pendant ce temps-là, les associations ont énormément œuvré. Elles sont pas restées les bras croisés du tout. Et donc, la première chose, c'était de dire, ok, personne ne va avoir de la thune pour manger. Donc tout de suite, on s'est dit, la première chose, c'est nourriture. On a très vite réfléchi aux personnes trans sans papier. On s'est dit, les contrôles des délits des faciès vont être vraiment pas rigolos du tout. Donc on s'est dit, la première chose de quoi ils ont besoin, c'est d'abord de rester en contact avec nous. Donc on a mis 3 médiatrices en santé avec 3 lignes téléphoniques qui ont explosé d'appels. Ensuite, on s'est dit, il faut du masque et du gel et les thermomètres. On a essayé de commencer à faire fabriquer des masques artisanales. On a réuni à peu près plus de 80 bénévoles qui sont partis tous en vélo dans chaque pharmacie à essayer de convaincre les pharmaciens. Nous sommes une association trans, on est hyper précaire, ceci, cela, on a besoin, on est en train de créer une action. Et les pharmacies étaient sensibles, ils nous donnaient ceux qui savaient en stock qui étaient réquisitionnés jusqu'à ce moment-là par l'État. Ensuite, effectivement, dans l'épidémie, on a très vite compris que la question de confinement et le lieu de confinement était quand même quelque chose de fondamental. Et on s'est retrouvé très vite avec une cinquantaine de personnes qui n'avaient plus de lieu pour se confiner. Et donc, nous avons présenté des projets, notamment auprès de la ville de Paris, qui nous a mis 60 000 euros à disposition, qui ont permis à l'association de participer à des nuits d'hôtel aux participations des loyers des personnes. Cette stratégie, ça a permis de démontrer à l'État que pour lutter contre l'épidémie, il faut d'abord aussi impliquer les associations ou les représentants. Et ça, pour nous, c'était une stratégie santé publique. Comme la plupart des associations de patients, on a vraiment ressenti dans les premiers jours et semaines de la crise un effondrement complet de la démocratie sanitaire, avec non seulement aucune sollicitation, mais aussi des refus quand nous on tapait à la porte pour participer. On faisait partie de groupes de travail sur l'insuffisance rénale en Île-de-France, et d'un seul coup ils se sont réunis sans nous, parce que c'était le Covid. Il y a eu cette espèce de sidération au début de la crise qui a fait que finalement la participation des usagers, elle a été vue vraiment comme subsidiaire, quelque chose d'accessoire qui aurait sans doute ralenti la prise de décision ou qui n'aurait pas été compatible avec l'urgence. Évidemment, on ne s'est pas laissé faire. On a été extrêmement mobilisés à cette période-là, d'autant qu'on a vite compris que le Covid serait extrêmement grave pour les patients insuffisants rénaux. Et au début, au tout début de la crise, il y avait des taux de mortalité qui étaient de l'ordre de 30% en dialyse. Et donc, il y avait un très, très fort besoin d'information et d'accompagnement des patients qui se retrouvaient confinés, sans infos, sans accès aux soins, avec des équipes médicales qui parfois ne répondaient pas à leurs appels. Enfin, voilà, c'est vraiment une situation très, très complexe. Donc, on a mis en place tout un dispositif vraiment en urgence, déjà pour diffuser de l'information, des conseils, des recommandations. Et puis, on n'a pas lâché l'affaire sur la démocratie sanitaire. Et donc, nous, on a, pendant plusieurs jours, colligé des dizaines de témoignages de patients et de proches de patients. Et on a envoyé tous ces témoignages, en fait, au ministre de la Santé et au directeur de l'assurance maladie, en demandant vraiment qu'un dispositif soit prévu pour que les personnes puissent trouver un moyen de rester chez elles sans avoir à demander un arrêt de travail à leur médecin. Et ça a été fait très vite. L'assurance maladie a mis en place, au bout de quelques jours, une plateforme d'autodéclaration pour les personnes ayant une maladie chronique reconnue comme à risque. Il y a eu une liste qui avait déjà été établie, etc. Et puis, les semaines ont passé, il y a eu le déconfinement. Et en fait, les choses se sont remises en place. C'est-à-dire que la démocratie sanitaire, elle s'est réinstallée, je dirais, assez rapidement autour de mai-juin 2020. Les instances ont recommencé à fonctionner plus normalement. Le fait que... À cause de la crise, la démocratie sanitaire a été d'un seul coup considérée comme subsidiaire. Ça montre en effet sa grande fragilité. Ça montre que finalement la manière dont elle est montée en puissance depuis la loi de 2002 a quelque chose d'un peu artificiel, puisque en cas de crise, c'est un premier versant qui s'effondre. Alors que c'est vraiment crucial d'avoir la vision du terrain, la vision des vrais gens. Donc 20 ans que vous êtes actrice avec Rena Lou de la démocratie sanitaire. Depuis la loi Kouchner, c'est quoi quand même les réussites de la démocratie en santé ? Alors, les réussites, c'est vraiment que la représentation, elle devient très importante. Pour autant, la démocratie sanitaire, elle n'est pas présente partout. Il y a encore des lieux de résistance forts, notamment des résistances médicales. La notion de partage du pouvoir avec les patients, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour tous les professionnels de santé. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit. Enfin, la démocratie sanitaire, c'est quand même un peu ça. Donc il y a encore beaucoup de progrès à accomplir pour que la démocratie sanitaire, ça devienne une réalité partout et tout le temps. Et parfois, ça reste quand même un alibi. Donc c'est vraiment un problème. C'était La santé communautaire d'une pandémie à l'autre. Avec Anne Coppel, Lydia Bradjotti, Giovanna Rincon, Christian Saout, Olivia Gross et Ivani Caillé. Lecture, Olivia Mabunga et Sandra Calderan. Archivina, Mylène Touchet. Documentation, Caroline Chausset. Merci à Stuart Pluen-Calvo et Claire Van Dendrich. Prise de son, Célim Guéribi et Jean-Guilain Meige. Mixage, Manon Houssin. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Faire de la santé autrement, une série documentaire de Claire Richard, réalisée par Assia Ralid.